bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition en français de ce 22 juillet, dont voici les principales articulations. Trois présumés assassins de feu, honorable Hafsa Mossi, député de l'Assemblée législative est-africaine, ont été arrêtés à Mutanga Nord où ils préparaient l'assassinat d'un conseiller à la présidence de la République, selon un communiqué du ministère de la Sécurité publique de ce jeudi. Dans ce journal, on parlera de la rareté du vieillissement des billets de 100 francs burundais. Les chauffeurs de bus parlent de mésentente entre passagers et les convoyeurs causés par ces vieux billets. Sur ce, le gouverneur de la Banque centrale recommande aux usagers de se servir des pièces de monnaie de 50 francs. Bien que les étudiants de la faculté des lettres à l'université du Burundi se soient inscrits ce mercredi, ils ne comptent pas regagner les auditoires tant que leurs problèmes n'auront pas trouvé solution. La chronique environnement de ce vendredi nous parlera des eaux usées du lac Tanganyika qui dégage une odeur suffocante du côté de la plage appelée Kumase. C'est au quartier industriel de la zone urbaine de Ngagara. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par François Kimana à la présentation. Mireille Kanyange, encore une fois, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir, page sécurité pour débuter ce journal. Trois présumés assassins de l'honorable Hafsa Mossi, député de l'East African Legislative Assembly, ont été arrêtés. Dans un communiqué sorti ce jeudi, le ministère de la Sécurité publique informe que ces trois personnes ont été arrêtées lors d'une perquisition dans une maison située au quartier Mutanga Nord, tout près du lieu de l'assassinat de feu Hafsa Mossi. Selon toujours ce communiqué, ces personnes préparaient l'assassinat d'un conseiller à la présidence de la République du Burundi. Selon les enquêtes déjà menées et les indices à la disposition des forces de sécurité, poursuit le communiqué, ces individus aux arrêts reconnaissent qu'ils recevaient ordre et financement à partir des éléments, disent-ils, basés dans la capitale rwandaise. Pour rappel, l'honorable Hafsa Mossi a été assassiné le 13 juillet à Mutanga Nord par des individus qui étaient à bord d'un véhicule TI. La coalition des associations des ex-combattants CAECPD appelle tous les détenteurs illégaux des armes à feu à les remettre aux autorités habilitées car ils ne font qu'endeuiller le Burundi. Dans un communiqué sorti ce vendredi, cette coalition salue le travail déjà fait par le gouvernement par rapport à son engagement à faire revenir à la paix dans tout le pays. La coalition CAPD estime que, quelles que soient les circonstances, la souveraineté burundaise doit être respectée. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Ce journal se poursuit par la page éducation. Les étudiants de la faculté des lettres à l'université du Burundi qui avaient été renvoyés ont débuté une nouvelle inscription dès ce mercredi. Selon une mesure du directeur académique, ses étudiants saluent cette mesure mais indiquent qu'ils ne vont pas regagner les auditoires malgré cette inscription tant que leurs revendications portant sur les filières nouvellement introduites dans leur faculté ne trouvent pas solution, nous dit Karine Boutoyi, stagiaire à notre station. Ce vendredi, ces étudiants avaient répondu massivement à l'appel lancé par le directeur des services académiques de se faire inscrire dès ce mercredi. Certains des étudiants avaient été renvoyés il y a plus ou moins 3 semaines. Ces étudiants saluent cette mesure mais déplorent que leur revendication n'ait pas encore trouvé de solution. Suivez l'un de leurs représentants. Nous disons merci parce que nous avions cette soif d'être encore étudiants reconnus par l'Université du Burundi. Mais après la décision de nous réintégrer à l'Université du Burundi, nous allons continuer notre mouvement de revendication parce que la question qui nous avait poussé à faire le mouvement de revendication, elle n'est pas résolue. Ce n'était pas l'inscription. Il y avait ce que nous demandions. Alors, nous continuons nos demandes jusqu'à ce que la question soit résolue. Ces étudiants estiment qu'ils auraient dû être entendus pour essayer de trouver une issue à leurs inquiétudes. Je ne dirais pas qu'il y a eu suffisamment de réunions parce qu'on était à l'étape du rectorat, du moins au niveau du décanat, au niveau de la faculté, on avait tenté des solutions qui n'ont pas abouti. Alors on était au niveau du rectorat. Parmi leurs revendications, ces étudiants s'insurgent contre l'introduction de nouvelles filières dans leur faculté ainsi que leur inquiétude quant à la valeur de leur diplôme sur le marché du travail. Au sein du service assurance et qualité, l'on indique qu'ils espèrent que ces étudiants vont regagner les auditoires dès ce lundi. En page éducation, toujours les enseignants du lycée communal Muramba en commune Buhinyuza en province Muyinga font savoir qu'ils sont menacés après qu'ils aient contesté la décision du directeur communal de l'enseignement de faire avancer tous les élèves qui ont fait les examens de repêchage. L'un de ces enseignants estime que la loi est bafouée, suivez. L'origine a été du fait qu'il y a le corps professoral qui s'est réuni avec le directeur et le préfet des études. Nous avons terminé la seconde délibération et puis un jour après, il y a le DCE, qui est la dame même du préfet, qui est venue avec le préfet des études et le directeur qui ont cherché à changer la décision prise par les membres du jury de délibération, c'est-à-dire le corps professoral. Ils ont décidé de donner 50% pour tout ce qui avait fait le repêchage, une décision qui n'a pas été acceptée par les membres du corps professoral. Comme c'était une école sous convention catholique, il y a le vicaire général du diocèse de Muyinga qui est venu, mais on a fini par ne pas s'entendre parce que cela est contraire à l'ordonnance ministérielle sur laquelle on s'est basé pour faire la deuxième délibération. Nous sommes menacés. Avant-hier, il y a l'un de nos professeurs à qui on a ouvert une action disciplinaire. Pour mettre un terme à votre conflit à l'école, qu'est-ce qui devrait être fait? Pour nous, nous souhaiterions que tout ce qui en avait la compétence puisse nous écouter. Et le ministère de l'Éducation nationale promet de faire une enquête pour clarifier si la décision du directeur communal de l'enseignement à Buhinyuza est conforme à la réglementation ou pas. Anatole Niyonkuru, directeur général à ce ministère, indique que le DCE est habilité de revoir la décision du jury, mais doit le faire ensemble avec les enseignants. Il précise que si cela n'a pas été fait, c'est illégal et est susceptible d'être corrigé. On l'écoute. Si le jury de délibération a décidé de l'octroi des points et que par après, la direction communale de l'enseignement constate des lacunes et que cette direction communale de l'enseignement convoque encore une fois le jury pour statuer encore une fois, chez nous, ce n'est pas une lacune parce qu'il est stipulé dans la réglementation scolaire que les enfants qui sont lésés, ils ont le droit de porter plainte aux échelons supérieurs. Et les échelons supérieurs au niveau local, ça commence par la commune. Alors, si la direction communale de l'enseignement juge que les choses n'avaient pas été faites conformément à la loi, la direction communale de l'enseignement est là à la latitude, le droit et le devoir de faire prévaloir la loi. Si par hasard, c'est le directeur communal de l'enseignement aurait pris le courage de connivence avec le directeur de l'école de changer la note attribuée par les enseignants, ça c'est une lacune à corriger. Là, nous sommes dans le droit de faire prévaloir la loi et de faire respecter la parole donnée par les jurys de délibération des écoles. Mais si par hasard, les enseignants ont été convoqués, conviés à la délibération pour analyser encore une fois les résultats des élèves et que la note a été attribuée par ceux-là même qui devraient le faire, et là, nous disons que nous sommes en conformité avec la réglementation scolaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page économie de ce journal, il s'observe de vieux billets de 100 francs burundais. En circulation à mairie de Bujumbura, certains chauffeurs de bus rencontrés ce vendredi explique que cela crée des mésententes entre les passagers et les convoyeurs de bus. Ils demandent à la Banque centrale d'émettre de nouveaux billets. C'est un reportage d'Yves Nkunzimana. Aux différents parkings des bus de transport de la capitale Bujumbura, où nous avons pu passer l'avant-midi de ce vendredi, les chauffeurs disent que ces billets sont vieux et que certains passagers ne les acceptent pas, comme celui-ci l'exprime. Nous, les clients nous donnent cet argent, mais si nous échangeons ces billets, ils ne les acceptent pas, arguant qu'ils sont vieux, et cela entraîne des querelles entre nous et les clients. Du côté des passagers, ils reconnaissent que ces cas de billets posent souvent des incompréhensions entre eux et le convoyeur. Hier, j'ai failli me battre avec un convoyeur. Il m'avait donné de vieux billets parce que moi aussi je n'ai pas où les mettre. Ces chauffeurs continuent à expliquer qu'ils travaillent à perte. Oui, ces vieux billets de 100 francs nous créent des problèmes. Même les pièces de 50 francs qu'on utilisait sont devenues rares. Quand on cherche ces pièces, dans 2000 francs, on retire 400 francs. D'où nous ne gagnons pas. Que ce soit les chauffeurs et les passagers, ils demandent tous à la BRB d'émettre de nouveaux billets. Et face à cette rareté vieillissement des billets de 100 francs burundais, le gouverneur de la Banque centrale recommande à la population d'utiliser les pièces de monnaie existantes de 50 francs en attendant l'émission de la pièce de 100 francs qui prendra du temps, a-t-il souligné. On l'écoute. Lors du lancement des nouveaux billets, de la nouvelle gamme de billets de 10 000, 5 000, 2 000, 1 500. Et nous avions annoncé au public que le billet de 100 francs ne sera pas renouvelé et ne sera pas imprimé parce qu'il allait être remplacé par la pièce de monnaie de 100 francs. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore commandé la pièce, nous sommes encore dans les démarches de son édiction et de son émission, mais ça prend du temps. Donc pour le billet de 100 francs, il ne sera pas renouvelé, mais il y aura la pièce de 100 francs. Et entre la date de décision de ne plus acheter, de ne plus faire imprimer le billet de 100 francs et l'acquisition de la pièce de 100 francs, certainement qu'il y aura suffisamment de temps parce que c'est compliqué. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. Et ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser les pièces qui sont actuellement disponibles. La pièce de 50 qui commence à se raréfier, mais normalement la pièce existe. Seulement les gens ne mettent pas cette pièce en circulation. Les gens qui, pour des raisons ou d'autres, disposent de cette pièce, préfèrent la garder chez eux. Et c'est presque devenu une tradition pour les Burundais de ne plus utiliser les pièces de monnaie. C'est une culture qui ne s'explique pas. Étant donné que même les pièces de 10, de 5 et d'un franc existent et qu'elles ont toujours le cours légal, ces pièces devraient être mises en circulation. Mais on voit que la fixation des prix, même le carabinat et autres, on met des chiffres ronds de 50, de 100 francs, oubliant qu'il y a des pièces qui devraient être en circulation et servir de base de fixation des prix. Donc, pour le billet de 100 francs, il ne sera pas réimprimé. On attend la finalisation des procédures d'acquisition de la pièce de 100 francs. Pour la pièce de 50, on sait qu'il y a une bonne partie de pièces de monnaie de 50 francs qui se trouvent dans les ménages, ne les versent pas dans les institutions de microfinance ou la poste, pour que finalement ces pièces retournent en circulation. Jean Chiza, c'est le gouverneur de la Banque centrale. Ces précisions ont été fournies ce jeudi lors d'une rencontre avec les propriétaires des bureaux de change. Il s'observe une flambée des prix des denrées alimentaires. La radio Isanganiro s'est rendue ce vendredi au marché Bujumbura City Market, communément appelé chez Sion. Les commerçants se plaignent de la montée des prix d'achat, ce qui les pousse aussi à revoir à la hausse le prix de certains articles, se répercutant sur l'acheteur. Ils demandent au gouvernement de tout faire pour que les prix puissent diminuer, car ils sont en train de vendre à perte. Les détails avec Alida Ndaikeza. Nous sommes au marché Bujumbura City Market, communément appelé chez Sion. Les prix ne cessent d'augmenter, ce qui est indiqué par les vendeurs. Pour eux, le manque de devises est la cause de cette hausse des prix. Pour le riz, on s'approvisionnait à 43 000 francs et on le revendait à 45 000. Maintenant, il est à 52 000 parce qu'il y a un manque de devises. Si on essaie d'importer, on travaille à perte. Maintenant, c'est comme si on a arrêté d'importer. Les pommes de terre se vendaient à 800 et ces jours elles sont à 1100. Nous pensons que cette hausse est due à la rareté des devises. Quand ces produits arrivent ici, on est obligé à les vendre plus cher pour avoir une bénéfice. Le problème maintenant est que tous les prix ont grimpé. Par exemple, l'huile de coton qui était à 63 000, elle est passée à 72 000. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs parce que les prix continuent à augmenter. Nous travaillons à perte. Le capital qu'on avait au départ s'envole comme ça quand on importe les produits. Tout ce qu'on demande, c'est que le taux de change des devises soit revu à la baisse. Les prix de certains Certaines denrées alimentaires ont également monté en province, car aussi, comme nous le rapporte Blaise Pascal Kararoumié. Aux différents marchés et boutiques de la province de Karoussi, les denrées de première nécessité ont ces jours-ci doublé de prix, comme l'indique la population sur place. Elle indique que c'est la première fois qu'un kilogramme de farine de manioc s'achète entre 800 et 900 francs comme prix actuel. Les graines de maïs s'achètent 700 francs par kilo. Les haricots s'achètent entre 800 et 900 francs, ceux de petit calibre, communément appelés kilundo, et les volubiles s'achètent entre 1200 et 1500 francs. Cela surprend beaucoup de gens parce que dans ces mois-ci, les haricots étaient habituellement achetés entre 400 francs et 500 francs et les graines de maïs devraient être achetées à 400 francs. La farine de manioc à 400 et le sorgho, qui est actuellement vendu à 800 francs, devrait s'acheter 300 francs. Étant donné que c'est même la période de récolte pour la plupart de ces denrées, comme l'indique la population. Certaines de ces denrées de première nécessité ne sont même plus observables sur les marchés de Karoussi, et c'est notamment la pomme de terre de grand calibre et celle de petit calibre que les commerçants indiquent qu'ils trouvent difficilement, souvent actuellement entre 900 francs et 1000 francs, alors qu'elles devraient s'acheter était à 500 francs à la même période. La population de Karoussi et les autorités administratives déplorent qu'elles ne voient pas l'issue de cette hausse exponentielle de prix, regrettant aussi qu'il n'y a même pas moyen de travailler, au moins durement pour gagner de l'argent. Elle explique que la majorité de la population de Karoussi vit au rythme du marché, alors qu'il n'y a pas beaucoup de sources de revenus. Depuis la province de Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. En page culturelle, les 12 finalistes de Miss Burundi 2016 ont été ce vendredi dans la zone de Buterere de la commune urbaine de Ntahangwa pour aider les administratifs de cette zone à enregistrer les enfants qui n'ont pas été enregistrés dès leur naissance. Ces finalistes indiquent qu'elles ont choisi cette zone de Buterere parce qu'elle est parmi les zones les plus défavorisées de la capitale. Les détails avec Moïse Kampala. Ces 12 finalistes de Miss Burundi ont effectué une descente dans la zone de Buterere en mairie de Bujumbura pour aider l'administration dans l'enregistrement des enfants qui n'ont pas été enregistrés lors de leur naissance. Mona Warda Kaneza, une d'entre elles, nous donne la raison de leur descente et pourquoi avoir choisi spécialement la zone de Buterere. Nous nous sommes dit que c'était nécessaire de venir ici pour inscrire ces enfants qui n'ont pas eu l'occasion d'être inscrits après leur naissance, qui n'ont pas les mêmes droits que les enfants inscrits. Alors nous avons pensé que c'était nécessaire de venir aider. La zone de Buterere est une des zones ici au Burundi très défavorisées. La pauvreté règne beaucoup. Alors c'est pour ça qu'on a choisi spécialement de commencer par cette zone. Une Miss est une fille burundaise qui doit représenter son pays, qui doit accomplir des aides humanitaires. Elle doit contribuer au développement de son pays. Et l'inscription des enfants qui ne sont pas inscrits après leur naissance est une des choses qui contribuent au développement de notre pays. Les parents apprécient le geste de ces 12 finalistes de Miss Burundi. Le chef de zone, Nduimana Ernest, aussi exprime sa gratitude. Nous avons bien accueilli cette initiative. Il y a eu des Miss, mais depuis que je suis né, cela n'avait pas été fait. Elle pense aux enfants qui n'étaient pas reconnus. C'est un signe de compassion et surtout pour la population de Buterere, un signe de patriotisme. En plus de permettre à l'État de connaître l'effectif de la population et d'aider ses enfants à enregistrer, à bénéficier des services administratifs, André Hakizimana, le chargé de communication au sein de l'organisation de Miss Burundi, dit que la participation de ses filles dans cet enregistrement les aide à comprendre la situation du pays et que cela rentre dans le cadre de leurs projets de contribution au développement du pays. Radio Isanganiro Chronique. Les eaux du lac Tanganyika se trouvant du côté de l'endroit appelé communément Kumasé sont mauvaises et dégagent même une odeur nauséabonde. Le chef du département exploitation du réseau des eaux usées dans la municipalité de Bujumbura fait savoir que ces eaux ont de mauvaises conséquences sur la vie des humains et de la biodiversité du lac. Il propose le remplacement des pompes qui conduisent les eaux usées dans le lac Tanganyika. Les détails, c'est dans cette chronique environnement qui nous a été préparée par Léonce Vitaliho. Dans cette partie du lac Tanganyika, dite Kumasé, les eaux sont d'une couleur tout à fait particulière, très sale. Même l'odeur qui s'en dégage est également suffocante. Christophe Nyabenda, technicien des services techniques municipaux et chef du département exploitation du réseau des eaux usées dans la municipalité de Bujumbura, fait savoir qu'à l'origine de cette situation, il y a essentiellement deux raisons. Premièrement, c'est que tout aux alentours, il y a beaucoup d'industries qui produisent beaucoup des eaux usées, notamment les tanneries et autres qu'on ne peut pas deviner ici. La plupart de ces industries, au cas où il y a des problèmes techniques, qui déversent ces eaux usées vers le lac. Aussi, il y a donc le canal qui bypass des eaux usées au cas où il y a des réparations des stations de pompage. Donc, c'est des cas qui peuvent s'y parvenir pour cet effet de déversement de ces eaux usées. L'odeur nauséabonde qui se dégage de son coin particulier du lac produit des effets nuisibles aussi bien chez les humains que chez la biodiversité du lac, selon encore Christophe Nyabenda. Les eaux usées, ce sont donc, ça contient beaucoup de matières organiques et ces matières organiques sont donc sont riches. Alors, il y a des bactéries qui viennent consommer ces matières organiques. Ces bactéries sont des bactéries aérobies qui consomment de l'oxygène. En consommant ces matières organiques, ces bactéries consomment en même temps de l'oxygène. Dans ce cas, les êtres vivants se trouvant dans cet endroit ne parviennent pas à avoir de l'oxygène. Donc, des fois, ils meurent d'asphyxie. Pour les humains, ça contient beaucoup de pathogènes qui causent beaucoup de maladies, notamment les diarrhées, les fièvres typhoïdes, les cancers de peau et d'autres. Pour remédier à cette situation, et rendre encore propres les eaux du lac Tanganyika, Christophe Nyabenda propose notamment le remplacement des pompes qui conduisent les eaux usées dans le lac. Premièrement, ce qu'est le réseau évétiste. On a besoin de faire le remplacement des réseaux, donc la réparation de ces pompes, si tu veux même le remplacement de tout ouvrage électromécanique avec aussi l'entretien régulier des réseaux. Le 22 juillet de chaque année, c'est la journée nationale du lac Tanganyika au Burundi. Merci à Léonce Vitario pour cette chronique environnement. Ainsi se referme ce journal. Mais je vous rappelle, la principale information à la une, c'est que trois présumés assassins de feu, honorable Hafsa Mossi, député de l'Assemblée législative est-africaine, tué le 13 juillet, ont été arrêtés à Mutanga Nord où ils préparaient l'assassinat d'un conseiller à la présidence de la République du Burundi selon un communiqué du ministère de la Sécurité publique de ce jeudi. Ce même communiqué indique en outre que ces individus aux arrêts reconnaissent qui recevaient ordre et financement à partir des éléments basés dans la capitale rwandaise. Vous avez pu le suivre dans ce journal. Merci donc à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également à François Akimana pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.